Bah, c'est à toi. Ok. En fait, je pense qu'il y a, selon moi, il y a une notion que, qu'il faut essayer de décortiquer et de comprendre. C'est la notion de terroriste. Parce que n'importe quel État peut appeler n'importe qui terroriste selon sa, ses préférences, entre guillemets. Et désigner comme terroriste certaines, certains groupes, selon leur opinion politique ou religieuse ou quoi que ce soit. Mais le lendemain, on change de, d'État et ça peut être d'autres, d'autres groupes. Et moi, je pense que la loi antiterroriste en soi, pour l'instant, elle ne fait pas énormément de dégâts, même si elle en fait. Je pense que si on met n'importe qui à la place au pouvoir, un titre un peu plus autoritaire, un peu plus vénère, ça peut être encore pire. Et donc, pour moi, en fait, une des questions, c'est quoi le terrorisme, en fait? Comment on désigne, comment certains permettent de désigner qui est terroriste, etc. Et est-ce qu'il n'y a pas différentes notions de terrorisme? C'est-à-dire que quand on est dans la population et qu'on subit, par exemple, ce qui s'est passé au Bataclan, on voit très bien qui est terroriste, mais l'État... lui peut désigner d'autres formes d'action comme, comme terroriste. C'est toi. Quand tu vois les personnes qui sont. Il y a eu des personnes qui sont fichées comme étant dangereuses, désignées comme terroristes, même si c'est pas le mot qui est employé, mais c'est fiché comme tel, donc fiché ouais, S, ouais, on en a beaucoup parlé. Ben, t'as en gros énormément de militants politiques. Oui, voilà, et du coup, ben, c'est la ligne intérieure quoi, qui est désignée clairement. C'est la personne qui, pour l'État, est susceptible de l'ébranler dans son essence. Quoi, c'est-à-dire qu'il porte un discours qui pourrait être suffisamment subversif pour contester vraiment la notion d'État. Ben, du coup, il va être désigné forcément comme ligne intérieure. Donc, ça va être autant le mec avec sa Kalachnikov. En plus, franchement, les derniers trucs, comme a dit Pierre, c'est des mecs isolés. C'est même pas des mecs. Enfin, ça a été revendiqué d'ailleurs par Al-Qaïda, parce que forcément, bah, ça, c'est dans leur logique, mais bon, c'est plutôt des barges les derniers que, qu'autre chose. Mais du coup, ça, voilà, ça va être autant ça que le mec qui est anarchiste ou militant écolo, etc. Ça a été... Et d'ailleurs, en 2015, quand il y a eu l'accident, bah, il y a eu l'état d'urgence qui a été voté. Et qui a eu du coup bah, direct la mise en pratique des assignations à distance, l'accroissement des fichesses, etc. Tu as eu deux catégories. Tu as eu les procédures par exemple, pour STUP qui ont utilisé ce mode-là pour s'accélérer. C'est-à-dire donc ils ont réglé les trucs de grand banditisme avec ça. Et après, tu as eu les militants politiques qui ont été clairement entravés dans leurs actions. Donc tu as vraiment fait le nombre de cas terroristes qui ont été réglés avec l'état d'urgence, c'est réduit à une peau de chacun. Quoi. C'est rien du tout, c'est ridicule par rapport à tout ce qu'il y a eu. Et ça fait penser au FNAEG. Je sais pas si vous savez ce que c'est le fichier d'empreintes génétiques. Et au départ, c'était que pour les pédophiles. Enfin, pour les gens, je schématise. Les gens coupables, reconnus coupables d'infractions sexuelles. Et ça a été maintenant élargi à toute la population qui passe dans un commissariat qui fait une garde à vue. En gros, il y a systématiquement une demande de prise d'ADN, les gens en général ne refusent pas. Et du coup, tu as énormément de gens qui sont fichés ADN, alors qu'au départ, c'était quelque chose qui était réservé uniquement aux auteurs d'infractions sexuelles. Tout ça pour dire quoi? Pour dire que. Quand on dit à la population, bah regardez, c'est pas grave, ça vous touche pas, si vous avez rien fait, en gros, si vous faites rien, de toute façon, ça vous atteindra pas. Vos libertés, elles seront pas réduites si vous êtes quelqu'un qui est pas coupable, si voilà. Sauf que c'est faux, puisqu'on l'a très bien vu avec le FNAEG. Bah, vous inquiétez pas, vous êtes pas pédophile, vous allez pas être fiché. Sauf que maintenant, bah, tu peux juste être impliqué dans une procédure, te retrouver dans un commissariat pour une garde à vue, ça va très vite, et te retrouver avec ton empreinte ADN qui est fichée quelque part. Et le nombre de fichiers en France, il est énorme. C'est un bordel monstre, il y a je sais pas combien de fichiers, et je dis ça parce que j'ai lu il y a pas longtemps, et je finis avec ça, j'ai lu, il y a un rapport parlementaire qui est sorti il y a un mois sur le système de fichage en France. Et en gros, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il y a énormément de fichiers, que c'est le bordel, et que du coup, bah, personne s'y retrouve. Il y a énormément d'erreurs, bien évidemment, de gens qui sont fichés alors qu'ils ne devraient pas l'être. Et en gros, ce qui est préconisé, c'est. Bon, c'est bad, hein. C'est-à-dire qu'ils disent que c'est, du coup, c'est même pas efficace. Il y a tellement de fiches que c'est même pas efficace. Il n'y a pas de recoupement, etc. Donc, ce qui est préconisé actuellement là, par ce rapport parlementaire, c'est de rendre plus efficace en permettant un partage énorme de données entre, évidemment, les flics, les gendarmes, les préfectures, voilà, pour cibler de manière beaucoup plus efficace les personnes qui ont plus une fiche. Donc, c'est-à-dire que, voilà, que tout puisse être partagé. Aujourd'hui, il y a une multitude qui fait que dans la nébuleuse, va être passé au travers. Là, il y a les préconisations, c'est de cibler et d'accroître l'échange de données et pour, de manière à être beaucoup plus efficace en termes de contrôle et surveillance. Donc, en gros, ce qui présage rien de bon, et c'est dommage parce que c'est dommage que les luttes, ce que tu disais Pierre aussi à la fin, c'est effectivement il n'y a plus la lutte collective. À un moment donné, il y a eu des luttes collectives, quand il y a eu un certain nombre de fichiers qui étaient sortis, il y a eu des collectives, des luttes, des trucs qui s'étaient faits, et là, ça fait quelques années, on a complètement abandonné ce terrain-là de la question des fichiers, etc. Et c'est vraiment dommage, parce que du coup, il y a plein de choses qui passent, et on... voilà. On fait rien et ça va forcément se retourner contre tout le monde. C'est-à-dire que personne ne va passer au travers de ça. Voilà. Ok. Vas-y, vas-y. J'ai un petit témoignage, du coup, moi. Non, du coup, moi, je suis fiché S. J'ai appris dans le cadre d'une procédure judiciaire, ce qui montre déjà un peu le côté stupide de l'affaire, c'est-à-dire qu'on me l'a donné, quoi. Après une garde à vue, on est déféré au tribunal, et au tribunal, il donne un dossier juridique, et dans le dossier juridique, il y a la fiche S. Donc déjà, pour un document confidentiel, c'est un peu... c'est bidon. Après, du coup, je me suis renseigné un peu sur qu'est-ce que c'était que la fiche S. Juste deux, trois trucs un peu, comment moi, on peut le ressentir. C'est-à-dire que quand vous allez dans Google, par exemple, et vous tapez fiche S, les premières recherches qu'il y a, c'est fiche S par commune, par commune, par département, par région. Donc les gens veulent savoir qui sont les fichiers S. Et il y a plusieurs maires. Il y a des maires qui ont demandé à savoir qui étaient les fichiers S. Après l'attentat de Nice, il y a eu des tags qui ont été mis près de sur les murs pour dire donnez-nous les noms et les adresses des fichiers S. Les gens, ils ont écrit ça. Donc voilà, il y a une hostilité vis-à-vis du fichier S. Sachant que moi, je n'ai jamais été condamné pour des actions. J'ai été condamné, mais j'ai pas atteint la sûreté de l'État d'aucune manière. Donc voilà, et après pour la procédure, il y a des procédures possibles dans le cadre de contestation de fiche S, pour dire non, c'est pas vrai, je suis pas un terroriste, etc. Et en gros, l'État, il assume, si j'ai bien compris le truc, en gros, l'État, il assume d'être juge et parti. C'est-à-dire, l'État, il dit voilà, oui, c'est vrai, il y a une asymétrie dans la manière dont les débats sont menés, et c'est comme ça. Donc, ok, d'accord. Donc là, je vous conseille d'État bientôt pour contester ça, mais il y a une asymétrie. Donc après, la question qui est posée, c'est jusqu'où ça va, quoi. Jusqu'où on va dans le fait de pouvoir dire à quelqu'un « vous n'avez pas droit à un procès équitable ». C'est pourtant un droit fondamental, de base, reconnu par les dictatures font semblant de le reconnaître, je veux dire, voilà. Bon, voilà, ça c'est pour le côté témoignage sur la fiche S. Et après, il y a un autre truc, rien à voir avec ça, sur l'antiterrorisme. Évidemment, on ne peut pas gagner une guerre contre le terrorisme, ça a très bien été dit tout à l'heure, évidemment. Et ça permet aussi de... je pense, moi, par exemple, quand on fait une guerre contre un État, on est obligé de reconnaître un certain nombre de conventions de Genève, un certain nombre de lois internationales sur comment on traite les prisonniers de guerre, etc. Et sur la manière dont on traite les terroristes, c'est un peu le flou juridique. Puisqu'on ne mène pas une guerre officielle contre des gens, contre un État, à ce moment-là, on n'est pas obligé de respecter les règles relatives aux conditions de détention des prisonniers, etc. Et ça donne Guantanamo. Et il y a aussi cet avantage-là dans le fait de généraliser un peu le mot « guerre contre le terrorisme », c'est de plus respecter les droits basiques qu'il y a en temps de guerre. Bon, c'est horrible de parler de droit de la guerre, etc., mais mine de rien, ça existe. On n'a pas le droit de massacrer des civils. Mais puisque c'est la guerre contre le terrorisme, clou juridique, on peut tout se permettre. Donc voilà. Moi, je m'étais inscrit, ouais, ça rebondit là-dessus, c'est que la guerre contre le terrorisme, ça pose la question de l'ennemi intérieur. Et en fait, quand il y a un ennemi, parce que normalement la guerre, c'est un ennemi qui porte un uniforme, qui représente un état, et la guerre, elle se limite à ça. Sauf qu'avec l'ennemi intérieur, on se retrouve avec un ennemi total. C'est-à-dire que n'importe qui peut être l'ennemi intérieur, et que à partir de là, ça justifie tout. C'est-à-dire que, et d'ailleurs c'est dans l'histoire de la doctrine de la guerre révolutionnaire, normalement il y a la sécurité intérieure et il y a la défense. Et avec cette doctrine-là, on passe à la sécurité nationale, c'est-à-dire que l'armée peut faire la police, comme c'est le cas par exemple en Israël sur l'occupation des territoires occupés en Palestine, et la police se militarise. Et c'est le cas, ce qu'on voit sur l'antiterrorisme, on a des militaires qui se baladent, mais les flics, ils se retrouvent à avoir pas des AK-47, mais des fusils d'assaut, je crois que c'est des GK-36, mais c'est le même délire. C'est comme aux États-Unis où la police, elle se retrouve à avoir des chars, des uniformes en camouflage, etc. Et de manière symbolique, ça marque que l'armée est une troupe que la police est une troupe d'occupation quasi militaire et non un corps soi-disant chargé. On parle de gardien de la paix. On passe à autre chose, c'est-à-dire une hybridation entre le militaire et le policier, qui est en fait la caractéristique des régimes, des dictatures et des régimes autoritaires. C'est-à-dire que l'antiterrorisme est la menace, et en fait c'est une menace certes qui est dangereuse. Quand il y en a des gens, ils meurent, il ne faut pas le nier. Par contre, l'utilisation de cette menace dans un cadre, parce qu'il ne faut pas oublier que depuis 20 ans, on a une austérité de plus en plus croissante, une baisse des modes de vie, des réformes néolibérales, etc. Ça crée aussi des modes de gestion des populations et des modes de gestion de la contestation. En gros, si on n'a plus de fric pour acheter les gens, dans les banlieues, il suffit de militariser le maintien de l'ordre, de présenter les banlieues comme un lieu où il y a, des dangereux, en gros, des camps de djihadistes qui sont plus ou moins menés, et les gens, une partie de la population en vient à souhaiter qu'il y ait l'armée qui intervienne dans les banlieues. Et du coup, ça pose aussi l'antiterrorisme, la menace du terrorisme, ça pose un mode de gestion de la population. C'est en gros, on n'a plus d'argent dans les caisses de l'État, on va les mettre dans les caisses de la haute bourgeoisie. Du coup, on utilise ce mode de gestion de la population qui nous permet de ramener, et on le voit aussi sur la criminalisation des mouvements sociaux. C'est-à-dire que très rapidement, par exemple sur la loi travail, il y a des éditorialistes qui disent « la CGT, c'est des terroristes, ils bloquent le pays ». Et l'histoire de l'hôpital Necker, où il y avait les enfants, où il y avait l'enfant des flics qui s'était fait assassiner à Magnanville, qui était dans l'hôpital Necker que les gauchistes auraient attaqué. Bon, c'est des faux, les enfants n'y étaient pas, les gauchistes n'ont pas attaqué l'hôpital Necker. Sauf que là, on a un espèce de récit qui met d'un côté la contestation sociale et le terrorisme. Et derrière, qui justifie plus de répression, les interdictions de manifestation, et ainsi de suite. Du coup, je pense que de déconstruire ce discours et d'essayer de lutter contre, c'est quelque chose de vraiment essentiel, quoi. Je crois que c'est tout. Il n'y a plus de personnes inscrites, oui. Ouais, du coup, pour lutter contre ça, hein, peut-être que vous vouliez en parler un peu plus tard, surtout ce qui est vidéosurveillance. En fait, j'ai appris récemment qu'il y a un décret qui est passé il y a quelques années, qui en fait change la notion de vidéosurveillance par vidéoprotection. Ouais. Donc en gros maintenant, en fait on est filmé, non pas pour être filmé, on est filmé pour notre sécurité, donc c'est tous les panneaux, etc. qui nous disent ça, ou même simplement c'est dit qu'il y a un système de vidéoprotection. Après, je pense que du coup ça conditionne un peu la population à se dire ah, « c'est bon, je suis protégé et bien surveillé ». Je pense que y a un moyen assez simple de dire ce qui est, c'est de remplacer les termes de protection par surveillance, par ce qu'ils sont. Je pense que c'est déjà un début, mais je pense qu'il y a quand même toute une nouvelle langue à attaquer qui est de dire on vous protège et nous on vous surveille, et c'est là-dessus qu'il faut attaquer frontalement en fait, parce que malheureusement ça conditionne beaucoup trop la population. Déjà sur le rôle de l'État, qui est toujours vu comme un paternel qui fait collège, qui manque de contrôle. Je pense que c'est un coup de cœur du rôle dans ce film. C'est consensuel. Et après, un autre truc. Je reprends la parole parce que personne qui est inscrit. C'est que tous les trucs de surveillance, d'infrastructures antiterroristes, etc., c'est une chose quand c'est Macron qui est au pouvoir, et c'est pas cool. Mais quand on voit, par exemple, qu'au Brésil, il y a des gens comme Bolsonaro qui arrivent au pouvoir, comme Matteo Salvini, donc la Ligue, qui sont des fascistes qui arrivent au pouvoir en Italie, l'antiterrorisme plus le potentiel de partis d'extrême droite, voire fascistes qui arrivent au pouvoir, ça crée un mélange qui est très très inquiétant aussi. L'exemple de la Chine. Ouais.